Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la transformation de l'Irlande en tigre celtique, l'histoire d'une révolution économique et sociale. Nous sommes un pays jeune qui a maintenant trouvé sa voie. Et c'est pourquoi on a cette créativité dans la culture, dans tous les arts. C'est les jeunes en Irlande qui se sentent irlandais et européens, avec des liens avec, au pays comme les États-Unis. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité, et c'est très vibrant. Et pour moi, c'est un grand privilège d'être président de l'Irlande à ce moment. Cette Irlande débordante de jeunesse et de créativité que décrit la présidente du pays à l'époque, Mary Robinson, à l'émission française Géopolis en 1996, elle correspond, cette Irlande-là, à la renaissance culturelle et économique qu'a connue le pays dans les années 1990 et 2000, un phénomène qu'on a appelé le réveil du tigre celtique. En choisissant en 1990 une femme comme septième président de la République, l'Irlande a voulu définitivement rompre avec son passé. Elle n'est plus cette chaloupe de l'Angleterre décrite par Chateaubriand dans ses mémoires d'outre-tombe, mais un navire de 3,5 millions d'habitants bien décidé à suivre son propre cap. Il est bien évident que ces changements importants de l'économie irlandaise ont eu des conséquences au plan social, puisqu'il y a beaucoup plus de gens qui habitent dans les villes, qui travaillent dans l'industrie, et donc cette mentalité rurale, traditionnelle, est en perte de vitesse, d'autant plus que l'Irlande était un pays très encadré par l'Église, et par une Église très traditionnelle, très conservatrice, et dont l'influence est moindre, et cela s'est traduit au plan des mœurs, d'une part. L'Irlande vient d'ailleurs seulement de voter, d'adopter le divorce, et cela s'est traduit également au plan politique, par un déclin des partis de droite qui jusqu'alors dominaient la vie politique irlandaise. Et justement, on a eu en 90 une grande surprise dans ce pays traditionnellement gouverné par la droite, c'est l'élection à la présidence de la République irlandaise d'une femme, Mary Robinson. Alors non seulement une femme dans un pays très catholique, mais en plus une catholique libérale mariée à un protestant, et qui était avocate et qui, en tant que telle, avait milité pour des causes difficilement défendables en Irlande, comme le divorce, l'avortement, les homosexuels. Et justement, à nouveau, un extrait de l'émission Géopolis du 7 juin 1996. Vous y entendiez l'historien Jean Guiffant pour nous raconter cet éveil du tigre celtique dans les années 1990. Je reçois l'anthropologue Isabelle Matt qui a justement étudié cet éveil irlandais des années 90-2000. Isabelle Matt, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça représente économiquement, socialement, ce phénomène-là, ce phénomène de transformation de l'Irlande en tigre celtique dans les années 90? Est-ce qu'il y a d'autres exemples de faits en Europe ou ailleurs qui se rapprochent de ce qu'a vécu l'Irlande dans ces années-là? C'est sûr qu'il y a des périodes historiques dont on dirait qu'elles concentrent le changement. Le tigre celtique, c'en est une. C'est une sorte de condensé de transformation socio-économique et c'est resté dans l'imaginaire irlandais comme une période vraiment marquante qui va propulser, comme le disait votre extrait, là, une population plutôt rurale, très catholique, traditionnelle, vers une sorte de modernité, vers l'avenir. Une charnière, finalement. Un moment charnière, absolument. Où tout change, à peu près. Oui, absolument. D'autres pays en Europe qui ont vécu ce genre de révolution, certainement pas en même temps. Peut-être qu'on peut parler de la période d'après-guerre et cette grande reconstruction de l'Europe de l'Ouest. Jusqu'à un certain point, pourrait se comparer à ce que va vivre l'Irlande du tigre celtique, cette espèce d'impression de vivre dans un monde où tout change, où tout bouge très vite et qui propulse les gens vers vraiment une réalité sociale différente. Et l'impulsion, elle est, puis on va y revenir au cours de l'émission, mais elle est d'abord économique. Tout part de ce boom économique, mais ça va affecter toutes les sphères de la société. La société irlandaise, parce que ce boom économique, la société change complètement. Oui, tout à fait. Pour ma part, le travail que j'ai fait au doctorat comparait le tigre celtique avec le Québec de la Révolution tranquille. Oui. Quelque part, l'Irlande du tigre celtique, c'est un autre de ces exemples spectaculaires du passage d'une société catholique traditionnelle vers une société où le marché devient omniprésent, où la société de consommation prend le dessus. Donc, quelque part, une société plus individualiste. c'est pas que l'Irlande et le Québec évoluaient en vase clos avant ces périodes-là, mais les liens étaient prédéterminés. C'était la famille, la parenté, la paroisse qui maintenait un petit peu, qui faisait la cohésion sociale de tout ça dans les deux cas. Putting the band together. Do you need a singer? Wise men say. Well, what kind of music are we going to be playing, Jimmy? Soul. Soul. See if you could play before I pay for them. Lads, you're looking at the commitment test. Brilliant management, brother Rabbit. Ce qu'on vient d'entendre va probablement rappeler certains souvenirs à certains de nos auditeurs qui se souviennent peut-être du film d'Alan Parker qui avait eu un bon succès à l'époque, un retentissement assez important de Commitment, un film réalisé en 1991. On a choisi de diffuser cet extrait, Isabelle Matt, parce que ce que nous montre ce film-là, c'est l'Irlande d'avant, le boom économique qui a fait de ce pays un tigre celtique. Oui. Cette Irlande-là, vous l'avez connue. La première fois que vous êtes allé en Irlande, c'est cette Irlande d'avant le grand boom économique que vous avez connu. Commençons par ça. À quoi ressemblait cette Irlande-là? Bien, je suis contente que vous ayez choisi de présenter un extrait des Commitments parce qu'il dépeint parfaitement l'Irlande que moi, j'ai connue quand j'étais là en 92-93 pour la première fois. Ces quartiers ouvriers, pleins d'enfants, mais avec peu d'argent, en fait. Depuis la décennie de la Grande Famine, l'exil est presque devenu un mode de vie en Irlande. Encore à la fin des années 50, la population avait décru de 5 % depuis la guerre d'indépendance en 1922. Donc, pendant des générations, on a incité les jeunes à partir pour trouver du travail ailleurs. L'émigration est devenue un mode de vie, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. On fuyait l'Irlande, on fuyait la misère économique. Oui, on fuyait la misère économique, on voulait se trouver une vie meilleure, ouais. Comme tous les processus d'immigration. Bref, à la fin des années 80, l'Irlande est quasiment au bord de la faillite, affiche des statistiques économiques épouvantables. Le chômage frôle les 20 % là, pendant plusieurs années. Donc, en même temps, les gens sont tissés serrés, comme on l'a vu dans l'extrait. Il y a une sorte de dynamique que j'ai observée moi-même dans la banlieue nord de Dublin. C'était plein de vie, plein de cette sociabilité chaude, des quartiers ouvriers où tout le monde se connaît, vivent ensemble, se chicanent, s'entraident. Ouais. À partir du milieu des années 90, cela dit, tout se met à changer et à changer très vite en Irlande. Et la première révolution que vit le pays, c'est une révolution économique. Comme en témoigne ce reportage de Bernard Drinville, journaliste à la télé de Radio-Canada à l'époque, reportage diffusé au téléjournal du 14 juin 1999. Les Irlandais sont de bonne humeur ces temps-ci. Je vous parle des Irlandais de la République, à ne pas confondre avec ceux d'Irlande du Nord. It's just a happy country. Un pays heureux. Ça se sent, ça se voit. Pourquoi? Parce que l'économie irlandaise tourne à plein régime, avec une croissance de près de 10 % par année. Parole de premier ministre. 18% unemployment a decade ago to 6% now. Un taux de chômage de 18% il y a 10 ans et de 6% maintenant. On n'est pas loin du plein emploi. If you believe in the people, that's what you gotta do. Believe in the people. So, and Irish people do believe in people. Il faut faire confiance aux personnes, croire en elles, dit-il. L'Irlande fait surtout confiance à ses jeunes. Cet entrepreneur québécois accompagne la délégation canadienne. Ils ont un système d'éducation tout à fait remarquable. Vous savez que l'éducation ici, l'accès à l'université est gratuit, mais c'est basé sur le mérite. Et à la sortie de l'université, ils trouvent de l'emploi où, vous pensez? Dans les grandes multinationales américaines qui se sont installées en Irlande pour fabriquer leurs ordinateurs et leurs logiciels. Parce qu'ici, les jeunes sont qualifiés et les impôts des sociétés peu élevé. Extrait d'un reportage de Bernard Drinville au Téléjournal du 14 juin 1999, au moment où une délégation de politiciens et d'hommes d'affaires, femmes d'affaires, visite l'Irlande, donc en 99. C'est à partir du milieu des années 90, Isabelle Matt, que vraiment l'économie irlandaise, on vient de l'entendre dans ce reportage-là, explose. C'est spectaculaire ce qui se passe. Un boom économique vraiment très, très important. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu l'Irlande d'avant le boom économique. Quand on compare, qu'est-ce que vous voyez quand vous y retournez au moment où le boom a eu lieu? Ah, c'est... j'ai l'impression de vivre un choc culturel, mais à l'intérieur du même pays. En l'espace d'une douzaine d'années, hein, j'étais là, comme je vous disais, en 92-93, j'y retourne en 2005 et c'est plein d'autos de luxe, c'est plein de vêtements signés, les condos de luxe poussent partout, il y a vraiment un vent de changement, vraiment, on est dans une ère de consommation intensive. Le Celtic Tiger, en tant que tel, c'est un rappel un petit peu dans son terme, là, le tigre celtique, du dragon japonais. Oui. Donc, ça réfère à ce boom économique important au Japon dans les années 70-80. Donc, c'est un boom économique qui va voir la croissance de l'Irlande, en fait, d'à peu près 9 % par année. C'est énorme. C'est énorme. C'est pas la Chine, là. C'est un pays européen, un pays industrialisé. Un pays qui a été pauvre très longtemps. Qui a 9 % de croissance par année, c'est phénoménal. Pendant à peu près 5 ans. Donc, c'est vraiment phénoménal, en effet. Et ça va continuer à croître jusqu'en 2005-2006. Donc, ça confère d'abord un pouvoir d'achat. Hein. C'est bête comme ça, un pouvoir d'achat qui transforme les vies carrément. Il y a toute une nouvelle classe moyenne qui prend le dessus sur justement la classe ouvrière qui va être longtemps en Irlande le fait de la majorité. Taux de chômage qui va chuter, comme le disait donc M. Drinville dans votre extrait. Donc, il va continuer ce taux de chômage-là à chuter jusque presque au plein emploi. Donc, comme je vous disais, quand je suis retournée, j'avais l'impression d'être dans un pays différent. Là. C'est... Effervescence. Parce que prospérité, donc effervescence culturelle, la bonne humeur dont parlait Bernard Drinville dans le reportage, mais c'est un autre état d'esprit. C'est un autre état d'esprit et je vous dirais que les dernières années du tigre celtique, c'était presque surréaliste parce que les gens se procuraient des biens, entre autres des maisons dont ils n'avaient pas nécessairement toujours les moyens. Il y a vraiment dans une bulle. Oui, les dernières années du tigre celtique, malheureusement, il y a eu une bulle immobilière importante. Oui. Et cette prospérité-là, en fait, on revient au fond, au tout début de l'émission, l'élection de Mary Robinson, ça marque politiquement un virage, ça annonce ce qui va venir, et c'est pas la pensée magique qui fait que l'Irlande tout à coup devient très prospère économiquement. Il y a des politiques, la fiscalité, on en a beaucoup parlé. Oui, mais, c'est probablement le facteur majeur, là, le facteur premier. Les entreprises d'un peu partout viennent en Irlande. Oui, oui. Mais c'est une conjoncture de facteurs. Il y a cette prospérité-là tombe pas du ciel, comme vous dites. La transformation du système d'éducation qui est mentionnée aussi dans votre extrait, ça s'est fait dans les années 60 environ, mais les effets vont se faire sentir un peu plus tard dans les décennies qui vont suivre. Il y a aussi des investissements étrangers. La diaspora irlandaise est importante partout dans le monde, donc va aider au fil des générations le pays à se reconstruire. Il y a une aide aussi de l'Union européenne qui n'est pas négligeable. Et comme vous dites, les ajustements fiscaux qui sont très favorables aux nouvelles entreprises qui vont s'installer en Irlande, donc qui vont fournir par le fait même de bons emplois à cette jeunesse, donc surtout dans le domaine des nouvelles technologies. Et cette jeunesse-là, justement, c'est un autre facteur de changement. La démographie, le baby boom en Irlande, c'est en fait un baby boom qui est arrivé plus tard que le baby boom qu'on connaît au Québec et dans les autres pays occidentaux. Le baby boom a eu lieu dans les années, fin des années 70, début 80, oui. C'est très rare. Dans les autres pays occidentaux, on connaît là, le baby boom d'après-guerre. Mais ces jeunes-là, nés dans les années 70-80, arrivent à l'âge adulte lors du tigre celtique. Donc, contribuent fortement à cet essor-là. Et un autre facteur démographique, c'est l'immigration. Ouais. Et là, on voit l'Irlande se renverser la vapeur historique, là. C'est que d'un pays d'exil, ça passe à un pays d'accueil. C'est phénoménal comme changement aussi, là. C'est du jamais vu. Enfin, la dernière vague d'immigration, c'était probablement les Anglais au 16e siècle, là. Oui. C'est incroyable. Alors, des gens qui viennent d'ailleurs en Europe travailler, oui, en Irlande, et des Irlandais... Qui reviennent à la maison, oui. Des Irlandais qui sont partis quelques années, parfois même quelques décennies auparavant, qui espèrent retrouver chez eux une vie meilleure, justement, et vivre, justement, au pays. Parce que l'exil, en général, c'est rarement voulu au premier chef. Là. On part parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités chez soi. Et ça va donc, cette prospérité économique, vous l'avez un petit peu évoqué, mais ça va transformer profondément l'Irlande sur le plan social, sur le plan culturel, puis en plus une société très jeune. Oui. Donc une modernisation, on s'éloigne des réseaux plus traditionnels, de l'Église, l'économie, l'économisme, l'individualisme, le marché, tout ça prend plus de place. Oui, oui, oui, oui. Et ça va vite, rapidement, cette transformation. Rapidement, ça va très vite. L'époque du Celtic Tiger, du tigre celtique, d'une certaine manière, c'est une rupture avec le passé. C'est une sorte d'allègement ressenti par les jeunes face à cette nécessité de suivre la tradition religieuse, qui en Irlande, vraiment, est étroitement liée depuis longtemps à la vie quotidienne. Ça amène des changements dans le style de vie, même si les valeurs traditionnelles ne vont pas s'évanouir là, d'un coup. Là. C'est sûr que l'aspiration à la nouveauté, le consumérisme, transforme pas complètement... les vieilles valeurs, je dirais, ou les valeurs plus traditionnalistes, mais c'est vrai que ça change la vie aussi parce que ça fait en sorte que beaucoup d'Irlandais vont considérer que ce carcan-là de l'Église catholique traditionnaliste va être de trop dans cette Irlande, justement, où les possibles se s'ouvrent. Puis ce qui va faire très mal aussi à l'Église comme institution, c'est à partir des années 90, au début des années 2000, les scandales. De nombreux scandales qui vont ébranler cette Église catholique d'Irlande. Avant de parler du poids que ça va avoir dans la transformation de la société irlandaise, ce rejet massif de l'Église catholique, on écoute un extrait de l'émission Saturday Night Live, extrait qui est devenu célèbre, celui où la chanteuse irlandaise Sinéad O'Connor déchire, vous allez peut-être vous en souvenir, déchire une photo du pape après avoir chanté la chanson War de Bob Marley. Child abuse, yeah, child abuse, yeah, subhuman bondage has been toppled, utterly destroyed, everywhere is war, war in the East, children, children, fight. We find it necessary. We know we will win. We have confidence in the victory of good over evil. Fight the real enemy. Extrait de l'émission Saturday Night Live du 3 octobre 1992. À partir des années 90, donc, début des années 2000, Isabelle Matt, beaucoup de scandales vont ébranler cette Église catholique d'Irlande. Quel poids ça va avoir, ces scandales-là, dans ce mouvement qu'on va voir en Irlande, vraiment un peu comme on a vu au Québec après la Révolution tranquille, mais un rejet massif de l'Église catholique? Oui, en effet, c'est sûr que c'est ce qu'on a appelé ces scandales sexuels liés à l'Église catholique. Ça a nécessairement un effet majeur. D'abord, il y a des affaires d'enfants illégitimes qui sont mises au jour. Je pense, entre autres, à une affaire, l'affaire Casey, qui était un évêque très, très populaire, très aimé du grand public, l'évêque de Galway, dont on a découvert en 92 qu'il était le père d'un garçon de 17 ans qu'il avait eu, donc évidemment 17 ans auparavant, avec une jeune Américaine. Et cet événement-là a constitué, encore une fois, dans l'imaginaire, dans la réalité, mais plus tard, dans l'imaginaire irlandais, une sorte de fissure, de brisure. Il y a eu un avant et un après Bishop Casey. L'évêque est parti en hélicoptère aussitôt, avant que les journaux sortent ce matin-là. On l'a mis dans un hélicoptère et on l'aura envoyé aux États-Unis. et il a été là en exil pendant 20 ans. Donc, c'est incroyable. Mais bien plus grave, évidemment, sont les scandales sexuels liés à la pédophilie. Et il y a eu beaucoup de rapports commandés par l'État irlandais, des enquêtes d'abord et des rapports, le rapport Ferns, le rapport Ryan, Murphy et d'autres, qui ont montré vraiment, sans aucun doute, les actes horribles commis sur des enfants, sur des religieuses, sur toutes sortes de monde dans les institutions, oui. Même par le clergé séculier, enfin, par tout le monde. Enfin, pas par tout le monde, il faut faire attention, mais par beaucoup trop de membres du clergé et des ordres religieux. Donc, oui, c'est sûr que le dévoilement de ces situations-là va créer une crise au sein de l'Église, mais aussi au cœur de la population. Oui. Une espèce de divorce, en fait. Oui. Déjà, il y avait ce mouvement vers, entre guillemets, la modernité, et puis ces scandales qui arrivent, ce qui fait qu'il y a vraiment... Puis on revient au parallèle que vous avez fait dans votre thèse de doctorat, mais c'est là, probablement, où le parallèle est le plus flagrant entre la façon dont ce tigre celtique irlandais se transforme socialement, culturellement, la façon dont le Québec, de la Révolution tranquille, se transforme aussi. Le premier point commun, c'est probablement ce rejet de l'institution, de l'Église catholique. Oui, c'est un rejet. Il faut faire attention, par contre, c'est un rejet. Puis en même temps, au Québec, ça n'a pas nécessairement été vécu de la même façon parce que c'est pas qu'il n'y a pas eu de scandale au Québec et d'actes comme ça, mais comme la Révolution tranquille précède quand même de 30 ans le tigre celtique, en fait, on n'a pas été aussi loin dans l'abjection, si on veut, oui. au Québec, alors qu'en Irlande, ça s'est maintenu. Le système a été comme forcé, on a forcé la note un peu là, pendant 30 ans à l'intérieur des institutions. Vous parliez des couvents de la Madeleine il y a quelques semaines à votre émission. Ouais. On a vu à l'intérieur de ces institutions-là des choses absolument horribles, des enfants enterrés dont on a retrouvé les corps. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y a aussi une chute drastique dans les deux cas de l'assistance à la messe du dimanche, qui est plus qu'un simple rituel religieux, qui est aussi une sorte de lien social. Mmh. C'est la famille, la paroisse. C'est une façon de vivre ensemble, finalement, plus traditionnelle. Oui. Et là, c'est ça qui va un petit peu se défaire en Irlande. Mais le boom économique, le tigre celtique, permet, en fait, le dévoilement de ces scandales-là, oui. qui ont lieu depuis longtemps. Mais là, c'est comme si tout à coup, les médias se permettait de les mettre au jour. Une page qui se tourne, oui. C'est comme si on passait un peu de l'ancien monde. Oui, il y a quelque chose monde. De cet ordre-là. Oui, une arrivée à la modernité, même si on peut relativiser cette chose-là en tant qu'historien, c'est sûr qu'il y a quand même, dans l'imaginaire des deux pays, ce moment-là est marquant. Isabelle Matt, anthropologue, conférencière, spécialiste de la révolution sociale qui a vécu l'Irlande au moment de sa transformation antique-celtique, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Ariane Cipriani, recherche d'archives Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.